learn how to pray. Wir müssen lernen, wie man betet. On doit apprendre comment prier. Lukas 11. Luc 11. Verse 1 and 2. Lukas 11, 1 und 2. Luc 11, 1 et 2. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. As John also taught his disciples. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, all religions, they all pray. Amen. Alle Religionen beten. Donc chaque religion prie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We also pray. Wir beten auch. Et nous aussi on prie. We pray the prayer of faith. Wir beten das Gebet des Glaubens. On prie la prière de la foi. We pray the prayer of the finished work of Christ. Wir beten das Gebet vom fertigen Werk von Christus. On prie la prière de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. This period is the prayer of this the prayer we pray today. Is the prayer of the finished work of Christ. Das Gebet, das wir heute beten, ist das Gebet über das fertige Werk von Christus Jesus. La prière laquelle on utilise, laquelle on prie aujourd'hui, c'est la prière de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. And that prayer is a prayer of thanksgiving. Und dieses Gebet ist ein Gebet der Danksagung. Et c'est une prière de l'action de grâce. It's not like the old prayer. The old prayer was the prayer of a master and servant. They were all begging, always begging. But now the finished work is say thank you for the finished work. Das alte Gebet war immer ein Gebet der Bitte, der Knecht Meisterbeziehung. Aber jetzt ist es ein Gebet der Danksagung. Et l'ancienne prière, il s'agissait toujours de supplier l'Éternel, de lui donner quelque chose, d'avoir quelque chose. Donc c'était une prière entre serviteur ou servant et son Dieu. Mais nous maintenant, nous sommes maintenant dans le temps de notre prière, il s'agit de l'action de grâce. Donc toujours de lui remercier de son œuvre accomplie. Amen. Amen. Then there's the servant. Servant beg, but sons thanks. Amen. Amen. Amen. Und damals waren es Knechte. Knechte betteln, aber Söhne danken. Dans l'ancien, par exemple, convenant, il s'agissait toujours de serviteurs qui étaient toujours en train de supplier leur Dieu. Mais nous, maintenant, nous sommes dans le temps de fils de Dieu. Et là, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, sont toujours en train de remercier l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 2, and he said unto them, when you pray, say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread. You can see that, you know, the prayer alone will tell you that it's no longer working. Das Gebet allein sagt ja, dass das nicht mehr funktioniert. Donc, quand on voit cette prière jusqu'au verset 3, par exemple, on voit déjà que c'est déjà une prière que nous, aujourd'hui, on ne fait pas. On n'est pas en train de supplier notre Père. You know, here is even better. You know, here is even different from the period of the Father. This very place. Das ist sogar anders nochmal als das Gebet der Zeit des Vaters. Cette prière, c'est mieux que la prière du temps du Père. Amen. It says, "Our Father, which art in heaven, our Father, and not our master." Weil hier steht unser Vater und nicht unser Meister. Il a dit que notre Père est pas notre maître. Amen. Mm-hmm. In Old Testament, no one could call God, the true God, a father. Weil im Alten Testament durfte niemand Gott seinen Vater nennen. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait personne qui était capable d'appeler Dieu son père. Amen. Mm-hmm. Our father, not our master. Unser Vater und nicht unser Meister. Notre père, mais ici il dit que notre père et non pas notre maître. Our father that is in heaven, not our father that is here on earth. Mm-hmm. Unser Vater, der Himmel ist und nicht unser Vater hier auf Erden. Il dit que notre père aux cieux et pas notre père sur terre. Again in verse 1 of Luke 11. You know, one of the disciples said, teach us how to pray. Nochmal, Lukas 11, 1 hat einer der Jünger Jesus gefragt, wie man betet. Luc 11, 1, verset 1, il y a quelqu'un, un disciple qui disait à l'Éternel de lui apprendre comment prier. You know, the Lord did not rebuke him, like he rebuked Peter. Hat ihn nicht verweigert, so wie er Petrus verweigert hat. Et l'Éternel ne lui a pas rejeté comme il avait rejeté Pierre. I hope you remember how he rebuked Peter. Ich hoffe, er said, get behind me, Satan. Wie er Petrus verweigert hat, als er meinte, weiche von mir, Satan. J'espère que vous vous rappelez comment il avait rejeté Pierre. Il avait dit que loin de moi, Satan. But from verse 2, it started teaching them. It's now showing them how to pray. Aber in Vers 2 zeigt er, wie man betet. Mais verset 2, lui, ici, il a accepté à les apprendre comment prier. You can see that we learn everything in the kingdom of heaven. Wir lernen alles im Königreich des Himmels. On peut voir qu'on apprend tout ici dans le royaume des cieux. Amen. Amen. We learn all things in the kingdom of heaven. Wir lernen alle Dinge im Königreich des Himmels. On apprend chaque jour dans le royaume des cieux. We might go to that of learning later. Amen. Because of time now. Das Thema Lernen werden wir gleich vielleicht nochmal ansprechen. On va apprendre, on va lire, on va parler du thème d'apprendre une autre fois. Yeah, you know, we don't pray to the Father, we pray in the name of the Son, amen, the name of Jesus Christ, amen. Huh? Are you getting it? Amen. He wants us to know him as the only true Father. Der Herr will, dass wir ihn als den einzigen wahrhaftigen Vater kennen. L'Éternel veut qu'on puisse lui reconnaître comme notre seul vrai bon Dieu. Amen. Amen. Just like before the fall of man. Genauso wie vor dem Sündenfall. Tout comme avant la chute de l'homme. Adam only have one everything. One mother, one father, one brother, one sister. So the Lord wants us to come. He wants to bring us back to that position. Where him alone is everything for us. That's why he said our Father. Und der Herr will, dass wir zurück in dieser Position sind, wo er alles ist für uns. Und das ist einfach unser Vater. Et l'Éternel, maintenant, il veut nous remettre dans la position où on était avant la chute de l'homme, là où il était tout pour nous. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes son Père. Amen. Mais il est notre Père. We thank Jesus, we are back to that period. We are Christ Jesus alone is our everything. Wir danken dem Herrn, dass wir zurück in der Zeit sind, wo Christus Jesus unser Ein und Alles ist. On remercie l'Éternel où on est dans la période où Jésus-Christ est notre tout. Amen. He will show it to us in Luke, in Matthew 12. Amen. Where he told, when they were looking for the mother, the Mary and others and the natural family were looking for him. You can see how he revealed to them that it's all about the Father alone. Genauso wie als Maria und Josef Jesus gesucht haben und Jesus ganz klar gesagt, dass es nur um seinen Vater geht und deswegen sie nirgendwo nach ihm suchen sollten, außer im Haus seines Vaters. Et on peut voir, on va aussi le voir, l'histoire où Jésus-Christ a rappelé à ses disciples, à tout le monde, que ses parents, ce sont, que lui, il se trouve toujours dans la maison de son père. C'est là où on lui trouve. Ça nous fait voir aussi qu'il s'agit toujours de son père. Praise the Lord. Amen. Again, back to Luke 11, please. Lucas verse 11. 2 this time. Lucas 11, verse 2. Luke 11, verset 2. Amen. Amen. Again, we pray in Jesus' name. Wir beten Jesus' name. On prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And at the same time, we must have him. In our heart, we must know that he is our Father. Und gleichzeitig müssen wir wissen, dass er unser Vater ist. Et en même temps, on doit savoir que il est notre Père. Amen. Amen. We must have it in our mind that he is our everything. Wir müssen uns so einen Gedanken haben, dass er unser Ein und Alles ist. On doit toujours avoir dans notre tête, toujours se rappeler qu'il est notre tout. And we must have it in our heart that we are speaking to him. Und wir müssen es in unserem Herzen haben, dass wir zu ihm sprechen. Et on doit toujours se rappeler dans notre cœur qu'on parle toujours à notre Père. Because we must have it in our heart that it's a father and a son relationship. Und wir müssen es in unserem Herzen haben, dass es eine Vater-Sohn-Beziehung ist. Et on doit vraiment l'avoir dans notre cœur que c'est une relation entre Père et Fils. Satan, we love to see you seeing the only true God as your master. Satan liebt es, not as your father. Zu sehen, dass du Gott als dein Vater nochmal. Satan, we want to see you. He will love to see you seeing the only true God as your master, not as your father. Okay. Satan will, dass du den einzig wahrhaftigen Gott als deinen Meister siehst und nicht als deinen Vater. Le diable, lui, veut toujours que tu puisses considérer l'Éternel comme ton maître et pas comme ton père. Because once you are seeing the only true God as your master, it means you the Christ finished work is in vain. Mm-hmm. Weil wenn du den einzig wahrhaftigen Gott als deinen Meister siehst, ist das Werk von Christus Jesus vergeblich. Parce que quand tu vois le seul vrai bon Dieu comme ton maître, ça signifie que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ est en vain dans ta vie. Amen. Amen. If you are sinned, if you are begging God to do something for you, you are seeing the finished work as in vain. Wenn du Gott darum bettelst, Dinge für dich zu tun, dann siehst du das fertige Werk von Christus vergeblich. Si tu es en train de supplier le seul vrai bon Dieu de faire ou bien d'accomplir quelque chose pour toi, ça signifie que tu vois son œuvre accomplie dans ta vie en vain. Amen. Amen. Praise the Lord. There's a great difference between a father and a son relationship and a master and a servant relationship. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Vater-Sohn-Beziehung und einer Knecht-Meister-Beziehung. Il y a une grande différence entre une relation entre serviteur et un maître et une relation entre fils et son père. Mm. You can see Judaism, Christianity, it's all about my master and a servant relationship. Das Judentum, das Christentum, es geht immer um eine Knecht-Meister-Beziehung, wo du bettelst und bettelst. Tu peux voir dans toutes ces religions comme le judaïsme ou bien le christianisme, tout ça, toutes ces dénominations, ils ont une relation entre leur relation, c'est maître et servant, parce qu'ils sont serviteurs, parce qu'ils sont toujours en train de supplier leur Dieu, de lui demander, de les accorder quelque chose, donc c'est bizarre. Mm. We thank Christ Jesus for his finished work. Wir danken Christus Jesus für sein fertiges Werk. Amen. Mais nous, les enfants de l'Éternel, on lui remercie pour son œuvre accomplie. And that's why he is our Father today. Und deswegen ist er unser Vater heute. Et c'est la raison laquelle il est notre Père. Without the Father, the Son can do nothing. Ohne den Vater kann der Sohn nichts tun. Car sans le Père, le Fils ne peut rien faire. Amen. Amen. Without the Father, the Son cannot live. Ohne den Vater kann der Sohn nicht leben. Sans le Père, le Fils ne peut pas vivre. Amen. Amen. Remember John 15. Amen. Johannes 15. Rappelle-toi Jean 15. The Father is everything for the Son. Der Vater ist alles für den Sohn. Le Père, il est tout pour le Fils. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If the Son have no fear because of the Father is always there for him. Amen. Der Sohn hat keine Angst, weil der Vater immer für ihn da ist. Le Fils n'a pas peur parce que son Père est toujours là pour lui. We thank Jesus that through him we have a father. Wir danken Jesus, dass wir durch ihn einen Vater haben. Amen. On remercie l'Éternel parce que Jésus-Christ, parce qu'à travers lui, on a maintenant un père. We have the only true God as our father. Wir haben den einzig wahrhaftigen Gott als wahrhaftigen Vater. À travers Jésus-Christ, on a le seul vrai bon Dieu comme notre père. Jesus came to change our father. Jesus kam, um unseren Vater zum einzig unseren Vater umzuändern zu dem einzig wahrhaftigen Gott. Donc Jésus-Christ est venu pour changer notre père maintenant, pour que notre père maintenant il soit, que notre père soit maintenant le seul vrai bon Dieu. Praise the Lord. Everyone, you know, before this time, before our relationship with Christ, vor unserer Beziehung mit Christus, to Christ, we had a father, but that father was Satan. Aber dieser Vater war der Satan. Car avant de venir vers Jésus-Christ, on avait aussi un père, et ce père c'était le diable. Amen. Amen. 2 Corinthians 4:4 called their father the god of Satan, the god of this world. Which is their father? Nennt der Satan den Gott dieser Weltzeit, der ihr Vater ist. Dans 2 Corinthiens, la Bible nous fait voir que le diable est le père de ce monde, et quand on était dans ce monde, il était aussi notre père. After the fall of man, Satan became the god of this world. Nach dem Sündenfall wurde Satan 4:4 zum Gott dieser Weltzeit. In 2. Korinther 4:4. Dans 2 Corinthiens 4:4, on voit qu'après la chute de l'homme, c'est le diable qui était devenu le père de ce monde. It means before the coming of Christ Jesus, Satan was our father. Das heißt, vor dem Kommen von Christus Jesus war der Satan unser Vater. Donc ça signifie qu'avant que Jésus-Christ puisse venir ici sur terre pour nous, c'était le diable qui était notre père. Okay, thank you. And in John 8, let's quickly go to John 8, please. Johannes 8. On va lire Jean 8. We only have two fathers on earth. Wir haben nur zwei Väter auf Erden. On a toujours deux pères ici sur terre. Christ or Satan. Christus oder Satan. Jésus-Christ ou le diable. Amen. Amen. No one have the natural father as his own father. Niemand hat den natürlichen Vater zum Vater. Il y a personne qui a le père naturel comme son père. They are all caretakers. Die sind einfach nur Verwalter. Donc les pères naturels, les pères sur terre, eux ils prennent seulement soin de nous. They are caretakers, all the natural fathers. Sind einfach nur Verwalter. Donc eux ils prennent soin de nous. The true father is of the spirit. Der wahrhaftige Vater ist der geistliche Vater. Le vrai père, c'est le père de oui de l'esprit. If you say no to Christ Jesus as your father, Satan automatically become your father. Wer nein sagt zu Jesus, sagt automatisch ja zum Satan. Donc la personne qui dit non à Jésus-Christ dit automatiquement oui au diable. Praise the Lord. Amen. John 8 from verse 37. Johannes 8, verse 37. Jean 8, verset 37. He said, I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my words have no place in you. Mm-hmm. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. He's not talking about earthly father. Er redet nicht über den irdischen Vater. Donc ici, Jean 8, 37, il ne parle pas du Père terrestre. Amen. Mm. Praise the Lord. Alleluia. And if you continue to read it, you can see he called your father the devil. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass er ihren Vater den Satan nennt. Et si on continue à lire, on va voir qu'il a appelé, il a adressé le diable, il a dit que c'est le diable qui est leur père. Amen. There are only two fathers on earth. Es gibt nur zwei Väter auf Erden. Il n'y a que deux pères ici sur terre. If you refuse to choose Christ Jesus as your father, the devil again is automatically your father. Wenn du Christus Jesus als deinen Vater verweigerst, ist der Satan dein Vater. Donc si tu refuses Jésus-Christ comme ton père, ça signifie que le diable est automatiquement ton père. If you like it or not. Ob es dir gefällt oder nicht. Que tu veux ou pas. If you believe it or not. Ob du das glaubst oder nicht. Que tu y crois ou pas. One of them is your father. Einer dieser beiden ist dein Vater. Un de ces deux. Et ton père. Amen. Amen. Your natural father is not your father. Der natürliche Vater ist nicht dein wahrhaftiger Vater. Donc ton père naturel n'est pas vraiment ton vrai père. In Matthew 23 verse 9, it says, "Call no more father on earth." In Matthäus 23 Vers 9 steht, nenne niemanden Vater hier auf Erden. Matthieu 23 nous dit que de ne pas appeler un père ici sur terre comme ton père, de ne pas considérer un père terrestre comme ton père. You know the natural parents will not like this. Die natürlichen Eltern, denen gefällt das natürlich nicht. Les pères naturels, ça va pas les plaire. You can see how the Lord loves us. Ihr seht, wie sehr der Herr uns liebt. On peut voir comment l'Éternel nous aime. Because father means the head. Der Vater bedeutet der Kopf. Amen. Parce que le père, ça signifie la tête. He loves us so much, he wants to protect us. Er will uns beschützen. Il nous aime si tellement qu'il veut nous protéger. He knows that Satan is always after the head. Er weiß, dass der Satan immer hinter dem Kopf her ist. Il sait que le diable est toujours derrière la tête. But if people are blind, they cannot see this. Aber wenn Leute blind sind, können sie das eben nicht sehen. Mais si les gens sont aveugles, ils ne sont pas capables de le voir. No natural father can defeat Satan. Kein natürlicher Vater kann den Satan besiegen. Il y a aucun père naturel qui est capable à vaincre le diable. It is only the true father that defeats Satan. Der wahrhaftige Vater hat den Satan besiegt. C'est seulement le seul vrai bon Dieu qui est capable, le vrai père qui est capable de vaincre le diable. It is for our protection. Das ist zu unserem eigenen Schutz. Et ça c'est pour notre protection. That Christ Jesus alone is our parent. Dass Christus Jesus allein unser Vater und Mutter ist. Que Jésus-Christ lui-même soit notre père. It is for our protection that Christ Jesus alone is our brothers and sisters. Das ist unserem Schutz, dass Christus Jesus Brüder und Schwester ist für uns. Et c'est pour notre protection que nos frères et sœurs en Christ soient notre oui nos vrais sœurs et frères. It is for our protection that Christ Jesus alone is our family. Donc c'est vraiment important que Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ puisse être notre famille parce que c'est seulement Jésus-Christ qui a vaincu le diable. Mm-hmm. Our family must know this place. Unsere Familie muss das wissen. Et nos familles doivent aussi le connaître. If we already have children, our children must know this, that the only true father for them is Christ Jesus. Müssen unsere Kinder das wissen, dass ihr einzig wahrhaftiger Vater Christus Jesus ist. Et nos enfants doivent aussi le savoir que oui que c'est seulement Jésus Christ qui est leur père, qui est aussi notre père. Amen. Help them to know and understand this. Hilf ihnen das zu verstehen und zu kennen. Aide tes enfants à le connaître et à le comprendre. You never follow them everywhere. Du folgst nicht überall hin. On ne suit pas nos enfants partout. But the only true father follow them everywhere. Aber der einzige wahrhaftige Vater ist immer bei ihnen. Seulement le seul vrai bon Dieu qui est capable de le suivre partout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is if they are truly saved. Wenn sie wirklich errettet sind. Et ça, c'est valide seulement s'ils sont vraiment sauvés. And you, their natural parents, are you saved? Und du, der natürliche Elternteil, bist du errettet? Et toi, père ou mère naturelle, est-ce que tu es sauvé? You cannot give what you don't have. Du kannst nicht das weitergeben, was du nicht selbst besitzt. Tu ne peux pas donner ce que toi-même tu n'as pas. If you are not truly saved, you cannot help them. To know their true father. Wenn du nicht wahrhaftig errettet bist, kannst du ihnen ihren wahrhaftigen Vater nicht zeigen. Et si toi tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas ton salut, tu ne peux pas aider tes enfants à reconnaître le seul vrai bon Dieu comme leur père. If all you have is religion, you are not saved. Wenn alles was du hast nur Religion ist, bist du nicht errettet. Si ce que tu as c'est seulement la religion, donc ça signifie que tu es pas sauvé. And you are going to give them religion. Und du wirst ihnen Religion weitergeben. Et tu vas les donner aussi la religion. Having religion is not having salvation. Religion zu haben bedeutet nicht Errettung zu haben. Parce que avoir la religion, ça signifie pas. No religion can save anyone. Denn keine Religion kann Menschen retten. Parce que la religion ne peut pas sauver l'être humain. Christianity is always about the fear of parents, pastors. Im Christentum geht es immer um die Angst vor Pastoren und Eltern. Dans le christianisme, il s'agit toujours d'avoir la crainte des pasteurs ou bien de tes parents. Psalm 111, verse 10. Psalm 101, verse 10. He said the fear of the Lord. Also, Proverbs 1, verse 7 talks about the fear of the Lord, the beginning of wisdom, the beginning of knowledge. In Psalm 111 lesen wir über die Furcht des Herrn, die der Anfang der Weisheit ist. Donc Psalm 111, là on peut lire que c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, back to Luke 11. Lukas 11, bitte. Luke 11. From verse 2 to 4. 2 bis 4. Verset 2 à 4. And he said unto them, when you pray, say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your kingdom, we say, that kingdom come. His kingdom is already here. Dein Königreich komme, dein Reich komme, denn sein Reich ist schon hier. Ici dit que ton royaume vienne, mais son royaume est déjà ici. Amen. Amen. We are already in his kingdom. Wir sind schon in seinem Königreich. Nous, on vit déjà dans son royaume. We no longer pray that his kingdom come. Wir beten nicht mehr, dass sein Königreich kommt. Et c'est la raison laquelle on ne prie pas que son royaume puisse venir. Amen. And we don't pray that he give us our daily food. Because he's a good father, he knows how to feed us. Mm. He knows when to feed us. Mm. Weil ein guter Vater ist und weiß, wann uns zu füttern hat. Lui, on ne prie pas qu'il puisse nous donner chaque jour le pain nécessaire. Parce que lui, il est un bon père et il sait quand nous nourrir. We thank him for feeding us. Amen. Wir danken ihm, dass er uns schon gefüttert hat mit sich selbst. Par contre, on lui remercie qu'il est toujours en train de nous nourrir. We thank him that he is our provider. Wir danken ihm, dass er unser Versorger ist. On lui remercie parce que lui prend soin de nous. Without him, we cannot have anything. Ohne ihn können wir nichts haben. Sans lui, on peut rien avoir. And so also is that of forgiveness. Amen. We do not forgive people so that God will forgive us. Wir vergeben Leuten nicht, damit Gott uns vergibt. Tout comme avec le pardon, on ne pardonne pas les gens pour que l'Éternel nous pardonne. We forgive because we have already been forgiven. Wir vergeben, weil Amen. Uns Amen. Vergeben schon gegeben worden ist durch ihn. Amen. Amen. Mais on pardonne parce que l'Éternel nous a déjà pardonné. You can see that prayer, all those prayers there, they are all the old prayer. Diese Gebete sind das alte Gebet. On peut voir que ces prières sont des anciennes prières. They are servant prayers. Das sind Gebete eines Knechts. Ce sont des prières d'un serviteur. Great difference between a servant and a son. ein großer Unterschied zwischen einem Diener, einem Knecht und einem Sohn. Donc on peut voir la différence entre une relation de fils et d'un serviteur. Go to John 8:35 and see what Jesus talks about a father, a servant and a son. Johannes 8, John 35. 8, verse 35. On va lire Jean 8, 35. Dann sehen wir, was Jesus über einen Sohn und einen Knecht sagt. Et on va voir ce que Jésus-Christ dit concernant fils et serviteur. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to see our relationship with him as a father and a son relationship. Er will, dass unsere Beziehung eine Vater-Sohn-Beziehung ist. Il veut qu'on puisse considérer notre relation avec lui comme une relation d'un père et avec son fils. And that's how you can live with him forever. Und so kannst du für immer mit ihm leben. Et c'est comme ça que tu peux vivre avec lui pour toujours. Look at verse 35. It said, the servant abided not in the house forever. But the Son abided forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Until you are a son, you see yourself as a son. You can never live with his family forever. Wenn du nicht als Sohn siehst, kannst du für immer in seiner Familie leben. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Donc ça signifie que c'est seulement quand tu es un fils de Dieu que tu es capable à vivre avec l'Éternel pour toujours. As a servant, you are temporary there. Als ein Knecht bist du nur zeitlich dort. Comme un serviteur, tu es toujours temporairement là-bas. You must spend years upon years there, but you are not there. It's a matter of time we are going to get out. Du kannst vielleicht Jahre dort in diesem Betrieb sozusagen sein, aber irgendwann bist du weg. Comme un serviteur, tu peux être avec l'Éternel des années et des années, mais c'est une question du temps jusqu'à ce que tu puisses, partir quelque part autre. You might even be used to the son, but you are not a son. Und du bist vielleicht geboren. That's why you cannot continue to live. Aber du bist kein Sohn, deswegen wirst du nicht für immer dort leben. Tu peux être habitué avec les fils, être ami avec les fils de Dieu, mais tu n'es pas un fils de Dieu. Ça signifie que tu n'es pas capable d'y vivre pour toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And that's why when you see people coming to the living church, and before you know they are gone, you know you can immediately you remember this place. Mm-hmm. He said, a servant abided not in the house forever. Mm-hmm. It's a matter of time you are going to quit. As a worker, as a servant, you are not. That very place is not your home. Als ein Knecht ist dieser Ort, an dem du bist, nicht dein Zuhause. Mm. Donc, comme un serviteur, donc la place là où tu te trouves, tu n'es jamais un fils. But as a son, if even there is problem, there is always repentance. Und als Sohn aber, wenn es ein Problem gibt, gibt es immer Buße. Mais quand tu es un fils, même si quand il y a un problème, il y a toujours la repentance. Remember the prodigal son. There was a problem between himself and the father. But he returned. Erinnert euch an den verlorenen Sohn. Es gab ein Problem zwischen ihm und seinem Vater, aber er konnte Buße tun und zurückkehren. Rappelle-toi au fils prodige, malgré il avait un problème avec avec sa vie, avec il avait un problème avec son père, il était toujours capable de retourner. How to know those that have never been the sons? They can never return. Even when they return, they cannot stay. Yeah. Wie wir die Söhne wie wir die Knechte wiedererkennen, selbst wenn sie Buße tun, können sie nicht zurückkehren. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les fils, les serviteurs, parce que les serviteurs, quand ils partent, ils ne retournent jamais. And that's why in Luke 11, he said, our father, see him as your father. Deswegen sagt Lukas, sehen bitte als seinen Vater. Et c'est pour cela l'Éternel nous dit à Luc, on doit vraiment lui voir comme notre père, sinon si on lui voit comme notre maître, on n'est jamais capable à retourner. Call him father. Nenne ihn Vater. Appelle l'Éternel ton père. And see him as the only father you have. Und sieh ihn als den einzigen Vater, den du hast. Et vois l'Éternel comme le seul père que tu as. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if I'm to continue. Time has come. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And also that of forgiveness. Amen. Auch die Vergebung. Et c'est aussi avec la même chose avec le pardon. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, your music in Nigeria, I've heard, listen to it. But it's give us bread day by day. Forgive us our sin. It's always begging and begging. Amen. Einige Lieder in Nigeria, da geht es immer darum, dass Leute betteln um Brot und um Vergebung ihrer Sünden. Et j'avais écouté des musiques chrétiennes. Et là, il s'agit toujours d'une personne qui est en train de supplier à l'Éternel de leur donner à manger ou bien de la voiture ou je sais pas quoi. Jesus said, what belongs to the Son, but what belongs to the Father belongs to the Son. Amen. Jesus sagt, was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Mais Jésus-Christ, il a dit que ce qui appartient au Père, ça appartient au fils aussi. It means we don't need to beg. Das heißt, wir müssen nicht mehr betteln. Ça signifie qu'on ne doit plus le supplier. Mm. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. In Luke 15, verse 31. Amen. Luke 15, 31. Luke 15, verse 31. Lukas 15. Let's quickly go there, please. 31. And he said unto him, Son, thou art ever with me. A son is always with the father. Ein Sohn ist immer beim Vater. Donc le fils est toujours avec le père. Praise the Lord. Amen. Amen. And all that I have is thine. Amen. Amen. What I have belongs to you as a son, but not as a servant. Sohn, aber nicht als Knecht. Donc tout ce que j'ai, ça appartient à toi. C'est l'Éternel qui le dit. Donc, mais c'est seulement si tu es un fils, pas quand tu es un serviteur. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, we cannot give what we don't have. Wir können nicht das weitergeben, was wir nicht besitzen. Encore une fois, on peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Amen. Amen. Amen. I'm a sick one to come here. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, go to Colossians 3, please. Colossians 3, verse 13. 13. On va lire Colossiens 3, verset 13. Praise the Lord. Hallelujah. It says, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also you forgive. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking to you and me. Geht right dich und mich. Also, amen. Amen. Amen. If we can remember how the Lord always forgives us, we should be able to forgive one another. Wenn wir uns daran erinnern können, wie sehr der Herr uns vergeben hat, sollten wir einander vergeben können. Colossiens 3, 13, il a dit que supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Donc c'est ici que ça nous fait voir qu'on doit se pardonner parce que l'Éternel nous a déjà pardonné. This period of faith is not the period of begging. Die Zeit des Glaubens, nicht die Zeit des Bettelns. Donc, la période de la foi, c'est pas la période où tu supplies l'Éternel de recevoir quelque chose. It is a period of thanksgiving. Das ist die Zeit der Danksagung. C'est la période des actions de grâce. The period of begging is over. Die Zeit des Bettelns ist vorbei. Donc, la période où tu supplies l'Éternel, c'est déjà fini. Again, the period of begging God is over. Die Zeit, Gott anzubetteln, anzuflehen, ist vorbei. La période où tu supplies l'Éternel, c'est déjà passé. The war is over. Der Krieg ist vorbei. Amen. Parce que la guerre a fini. The war between man, God and man is over. Der Krieg zwischen Gott und den Menschen ist vorbei. La guerre entre l'être humain et Dieu, c'est fini. Remember Luke 2, verse 10 to 14. Lukas 2, 10 bis 14. Luke 2, 10 à 14. When Jesus was born, there was great joy in heaven. Als Jesus geboren worden ist, gab es sehr viel Freude im Himmel. Quand Jésus-Christ a été né, il y avait vraiment une grande joie. What was that joy about? It was a joy of peace between God and man. Wobei ging es bei dieser Freude? Es ging die Freude über den Frieden zwischen Gott und Mensch. Donc au ciel, il avait une grande joie quand Jésus-Christ était né. Pourquoi? Il avait une joie parce que il avait maintenant de la paix entre Dieu et l'être humain. The birth of freedom for man. Amen. Die Geburt der Freiheit. La naissance de la liberté. That we no longer have any problem at all. Dass wir kein Problem mehr haben. We are free from problems. Problem free. Là, on n'a plus de problèmes. Amen. Amen. Sicknesses and diseases free. Krankheiten und Seuchen frei. On n'a plus de maladies. Poverty free. Armutsfrei. We are free from all. Frei von allem. Il n'y a plus de pauvreté. Because the only problem has been The problem, you know, there was no peace between God and man. That was the only problem. It was singular. Das einzige Problem, was bestand, war das Problem zwischen Gott und den Menschen, weil das Problem singular war und nicht plural. Parce qu'il y avait seulement un seul problème, et ce problème, c'était qu'il n'y avait pas de la paix entre l'être humain et Dieu. C'était singulier le problème. And that singular problem has been solved. Dieses einzige Problem wurde gelöst. Et c'est le seul problème. Ce problème-là a été résolu. It means all problems are solved. Amen. Alle Probleme wurden gelöst. Ça signifie que tous les problèmes sont résolus. And that's why we can know God now. Und deswegen können wir Gott jetzt kennenlernen. Et c'est maintenant, c'est pour cela, nous sommes capables de connaître le seul vrai bon Dieu. And that's why we can be one with him now. Und deswegen können wir eins sein mit ihm. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut être un avec lui. That's why he's everything for us now. Und deswegen ist er jetzt alles für uns. Amen. Et c'est la raison laquelle il est tout pour nous. And that's why who fight us, fight him now. Deswegen, wer uns bekämpft ihn. Et c'est la raison laquelle la personne qui est en train de nous combattre et combat Jésus-Christ. That's why we are not different from him. Amen. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas différents du Christ. So wie er ist, so sind wir jetzt hier auf dieser Welt. Il dit que tout comme il est, c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui ici. Because the war is over. Denn der Krieg ist vorbei. Car la guerre est finie. Christ the Lord came to solve it. Christus der Herr kam, um es zu lösen. Amen. Sorry. Jésus-Christ est venu pour résoudre ce problème. Praise the Lord. Hallelujah. Sin is not also, it's also singular, not just like sin is singular and not plural. Genauso wie die Sünde singular und nicht plural ist. Tout comme le péché c'est singulier et pas pluriel. Amen. So also problems are problems. Problem is singular. Please have it in your heart. Sind auch Probleme, the only problem you are going to, you will ever have is between you and Christ Jesus. Das Problem, and all others are irrelevant. Was du als Probleme achten sollst, ist das Problem, was du zwischen Christus und dir haben könntest. Alle anderen Probleme sind irrelevant. Donc rappelle-toi et considère vraiment que tu peux avoir seulement un seul problème. Le seul problème que tu peux avoir, c'est quand tu n'es pas un avec Jésus-Christ. Toute autre chose n'est pas relevant en fait. Donc tu n'as pas un autre problème. Why are they relevant? Because they have been solved. Wieso ist es irrelevant? Weil es gelöst worden ist durch Christus Jesus. Amen. Pourquoi toute autre chose, tout autre problème est irrelevant? C'est parce que ça a déjà été résolu à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You know, Adam did not have any other problem. The problem he had was between himself and God. Das einzige Problem, was Adam hatte, war das Problem zwischen ihm und Gott. Rappelle-toi avec Adam, par exemple, lui, il n'avait pas d'autres problèmes. Le seul problème qu'il avait, c'était entre lui et Dieu. Praise the Lord. Alléluia. So also, his sin was not a funny. There was fornication, there was lying, there was stealing. His sin was, he refused to believe God. Deswegen war die Sünde, die er begangen hat, auch nicht sein Lügen oder Stehlen oder Unzucht treiben, sondern dass er Gott nicht geglaubt hat. Et c'est la raison laquelle le péché que Adam avait commis, c'était pas la fornication ou bien qu'il a menti ou je sais pas quoi. Non, c'était parce qu'il avait désobéi l'Éternel, c'était son seul problème. If you are seeing other problems as problem, it means you see his finished work in vain. Wenn du andere Dinge als Probleme achtest, dann ist sein fertiges Werk für dich nichtig. Donc si tu considères autre chose comme problème, ça signifie que son œuvre accomplie est en vain dans ta vie. Amen. Amen. Satan loves to see you that he want to see. He always want to see that you are seeing other problems as problem. Der Satan will, dass du Dinge immer wieder als Probleme, als die wahrhaftigen Probleme siehst. Weltliche Probleme als die wahrhaftigen Probleme siehst. Le diable, lui, veut vraiment que tu puisses considérer toute autre chose à l'extérieur, en dehors du Christ, comme ton problème. So also, he loves to see you sin, other sin as sin. Genauso will er, dass du andere Sünden, die weltlichen Sünden als Sünde, als die Sünde siehst. Et c'est comme ça aussi qu'il veut toujours que tu puisses considérer, autre chose comme le péché. Praise the Lord. Le péché de ce monde comme le vrai péché. So we stop here, please. Praise the Lord. Amen.